La maison d'édition des timbres d'étain vient d'émettre de nouveaux timbres commémoratifs de la réussite au lancement d'essais de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14. Ce sont deux vignettes, un bloc de timbres et un timbre individuel. Sur leur partie supérieure sont marqués les mots « Réussite au lancement d'essais de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14 ». La vignette représente au centre le dirigeant suprême Kim Jong-un qui donne le 3 juillet de l'an 106 du Tutsi 2017 l'ordre par écrit d'effectuer le tir d'essai de la façon 14, le drapeau du Parti du Travail de Corée, le document portant son autographe et la fusée balistique intercontinentale qui s'élance. L'autre représente Kim Jong-un qui déclare la réussite au test de la façon 14 avec à l'arrière-plan le drapeau de la République, la fusée balistique intercontinentale qui s'élance dans le firmament en laissant les traces de vol et la terre. Le bloc de timbre montre le processus de lancement de la fusée façon 14 alors que le timbre individuel, la fusée qui s'élance.